Alors ça s'appelait Lambert-Lambert Frères jusqu'en 1919. Et mon père s'est associé, mon grand-père Lambert s'est retiré des affaires à 70 ans, et mon père s'est associé avec M. Magnier en 1919.